Chapitre 16e, tête à tête. Avant de raconter ce qui advint d'Armand, nous devons remonter à quelques jours en arrière. Nous avons laissé le Fulminante se dirigeant vers la grotte. Pendant qu'il revenait sur ses pas, Zinzinetta pleurait. Folle d'amour pour le Fulminante, elle venait d'apprendre que le chef était parti sans consentir à la voir. C'était l'excellent Cascario qui avait dû lui annoncer qu'un homme du monde dédaignait une fille dont tout Naples était épris. Fâcheuse mission. Il la laissa tout en pleurs, elle s'abîma dans sa douleur. Accoudée à une trouée de la grotte, elle rêva en contemplant l'immensité de la mer. Le patriarche savait que rien ne berce une grande douleur comme la vue des vagues passant et repassant devant les yeux. Il eut cette intention délicate de placer une sentinelle pour écarter tous ceux qui viendraient distraire la jeune fille. Il en résulta que celle-ci, à 2 heures du matin, était encore à sa fenêtre. Tout à coup, elle se sentit touchée du bout du doigt et elle se retourna. Le Fulminante était derrière elle. Elle poussa un cri d'étonnement, d'espérance et de joie. « Venez !» lui dit-il en lui offrant son bras. Et il la conduisit dans la chambre qu'on lui réservait au fond de la grotte. Lorsque la Zinzinetta y entra, elle poussa une exclamation d'admiration. Jamais elle n'avait vu plus charmant, plus luxueux, plus élégant réduit. Au mur des tableaux de grands maîtres. Ça et là, sur des consoles, des statuettes antiques et modernes. Partout des œuvres d'art et des objets précieux. Sur le sol des tapis d'une valeur inouïe. Comme tenture des tapisseries des gobelins. Une panoplie de guerre étincelait entre 2 trophées de chasse. Et la Zinzinetta admira l'éblouissante richesse de ses armes qui relevait par son parfum de poudre et de sang les raffinements de ce boudoir. Sur un guéridon de la côte antique, un service de vieille porcelaine de Chine disparaissait sous une collation improvisée par le chef intéressant dont nous avons entendu Galli raconter l'étrange histoire. Un lit de repos à la romaine permettait de manger couché. « Cher, lui dit le Fulminante, causons, si vous le voulez bien, en soupant. J'aime excuser près de vous. Vous avez été charmante. J'ai dû vous paraître grossier, mais ma responsabilité est grande. Les affaires expédiées, je reviens. Pour m'aimer ? Demanda-t-elle naïvement. Peut-être, dit-il. Peut-être. Est-il au pouvoir de le faire disparaître ? Fit-elle en pâlissant. Oui, dit-il. Elle lui sauta au cou en s'écriant. Le peut-être est supprimé. Tout ce que tu voudras, je le voudrai. Ne t'engage pas, Zinzinetta. Tu ne sais ce dont il s'agit. Elle sembla le défier du regard et lui dire. « Demande l'impossible, je te le donnerai. » Lui gravement reprit. « Zinzinetta, avant toi, j'aime une autre femme, et je ne puis te donner dans mon cœur que la seconde place. Il faudra t'effacer devant la rivale. Je la servirai, dit la jeune fille. Je lui serai dévouée et je l'aimerai. » Le Fulminante sourit. « Est-ce là tout ce que tu voulais exiger de moi ? » demanda-t-elle. « Je veux, reprit-il, que tu sois souple comme une liane. Je veux que tu obéisses à un signe. Je veux une discrétion à toute épreuve. Je serai ton esclave, ta chose, un objet que tu pourras briser. Il viendra une heure, dit le Fulminante, où je te demanderai peut-être la vie. Le jour où cette heure sonnera, je prendrai ton dernier baiser et je mourrai joyeusement, fier de te laisser un souvenir qui te forcera à penser toujours à moi. Elle se jeta à son cou et le dévora de 100 baisers. Lui, pliant sous cette avalanche de caresses, chercha, riant et fuyant, à se dégager de cette folle étreinte. Il l'écartait, disant « Attends, mais attends donc !» Il voulait détacher son masque inutile. Elle l'enlaçait irrésistiblement. Enfin, il parvint à calmer cette bourrasque et dénouant les cordons du loup de velours noir qui lui cachait ses traits, il lui demanda « Est-ce bien celui que tu aimes ?»« Tu es beau comme un dieu, » dit-elle. Elle l'avait vaincu par la naïveté et la sincérité de sa passion. « Zinzinetta !» lui dit-il, tu es la seule femme au monde qui connaisse le Fulminante. Ma tête tomberait sur un mot de toi. Si l'on te torturait encore comme au temps du feu roi de Naples, dit-elle, je cracherais ma langue au bourreau lorsque je me sentirais faiblir. Puis, le saisissant encore, elle l'enveloppa dans un tourbillon de feu. Elle lui brûlait les yeux de ses regards, les lèvres de ses baisers. Elle fut étrange, irrésistible, fascinatrice. Cette ivresse fut longue, plus longue qu'il ne l'aurait cru. Elle durait encore quand il apprit qu'Armand partait pour arriver à lui. Il devait ce jour même quitter la grotte. Il annonça à la Zinzineta qu'il restait encore. « Petite, lui dit-il, sois heureuse. Je retarderai mon départ. »« Oh ! » s'écria-t-elle en battant des mains. « Tant mieux. Nous allons encore passer de belles nuits. » Et le Fulminante attendit l'arrivée de l'Armand en se prêtant mille fantaisies passionnées de sa maîtresse. Elle était telle qu'il la voulait. Plusieurs fois, il lui parla de cette autre femme qu'il aimait. Elle se montra curieuse, mais point jalouse. Elle trouvait naturel qu'il eut plusieurs amours au cœur, et venue la seconde, elle était reconnaissante de l'aimer par pitié, disait-elle. Par pitié, c'est trop dire. Le Fulminante, pour rien au monde, n'aurait renoncé à Fernande. Il la mettait au-dessus de la Zinzineta, mais il était épris de cette dernière. Deux femmes, était-ce trop pour un tel homme ?